Bonjour mes frères et sœurs. Et après quelques mois d'arrêt, par la grâce de Dieu, nous recommençons l'Épître aux Romains et nous sommes rendus au chapitre 9. Mais comme la mémoire est une faculté qui oublie et je suis un mordu du contexte, j'aime que les gens puissent étudier la Bible dans leur contexte. Et si je commence le chapitre 9 sans nous rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on a appris dans les premiers chapitres, nous allons peut-être manquer un peu le bateau. Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre bon Père du ciel, on s'arrête encore une fois pour continuer en ce mois de septembre et pendant quelques mois, l'étude de l'Épître aux Romains. Toi qui nous parles par l'apôtre Paul. Nous sommes conscients que ce n'est pas Paul qui s'adresse à nous, mais toi. Et on veut, Seigneur Dieu, que on approche ensemble avec respect, avec humilité, ce que tu as à nous dire. Seigneur, l'Évangile, c'est un reflet de toi-même. Et c'est pour ça que nous voulons bien la comprendre. Parce que nous voulons bien te comprendre. Nous voulons bien te voir. Nous voulons bien te présenter aux gens autour de nous. Notre adoration, notre louange, nos actions de grâce dépendent de notre compréhension de qui tu es, de qui ton Fils est, et qui est le plan pour l'humanité, afin qu'elle puisse te servir. Donc, conduis-nous encore ce matin par ton Esprit Saint. Amen. Donc, ce matin, ou je devrais dire aujourd'hui, dépendamment quand est-ce que vous allez écouter la vidéo, nous allons prendre le temps de résumer les premiers 8 chapitres, afin qu'on comprenne ensuite ça les chapitres 9, 10 et 11. Parce que le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, c'est la partie doctrinale de l'Épître aux Romains. À partir du chapitre 12, on va rentrer plutôt dans ce qu'on appelle la pratique de la vie chrétienne. Mais la pratique va être précédée de la compréhension que nous avons des premiers 11 chapitres. Donc, c'est essentiel qu'on comprenne bien. De plus en plus, en jasant avec les gens, je me rends compte que la compréhension que nous avons de l'être humain dans ce monde est très importante. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il consacre 3 chapitres au début. Il va décrire dans ces 3 premiers chapitres-là, où il nous a décrit, si je peux dire ça comme ça, dans ces 3 premiers chapitres, l'état de l'être humain. Et on appelle ça la dépravité de l'être humain, ou la dépravation totale de l'être humain. Il prend le temps de démontrer que les Juifs et les Grecs, peu importe qui ils sont dans la même situation. Il a démontré que l'être humain est perdu, que l'être humain ne cherche pas Dieu, que l'être humain ne fait pas le bien, que l'être humain est perverti, que l'être humain est en rébellion contre Dieu. Et on a vu que, dès le chapitre 1, l'être humain ne s'étant pas soucié de connaître Dieu, Dieu l'a livré à ses sens éprouvés. Donc, on a vu que dans l'être humain, il n'y a rien de bon. Si on pense qu'il y a quelque chose de bon dans l'être humain, on va croire comme la majorité des religions dans ce monde, on va croire que l'être humain peut gagner son ciel à la sueur de son front. On va croire que l'être humain peut se rendre agréable à Dieu par sa vie, par ses œuvres, par ses paroles, par ses actions. Parce que si je suis bon, si je suis foncièrement bon, mais automatiquement, je peux m'approcher de Dieu. Mais si je suis mauvais, complètement mauvais, incapable de plaire à Dieu, que je ne veux même pas lui plaire, même si je voudrais lui plaire, je ne serais pas capable, et même si je serais capable, je ne le voudrais pas. L'être humain ne peut pas, ne cherche pas Dieu. Ça, on a résumé ça dans une phrase, l'apôtre Paul a résumé ça dans une phrase. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde, juif, grec, jeune, vieux, noir, blanc, femme, homme, on est privé de contempler la gloire de Dieu. On est privé de la présence de Dieu à cause du péché. Donc, l'homme n'étant pas capable, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, c'est pour cela que nous croyons que l'être humain est justifié par le sacrifice propitiatoire de Dieu, rendre propice Dieu. Donc, Dieu a envoyé son fils Jésus sur la terre. Christ va mourir et va ainsi calmer la colère de Dieu qui est contre l'homme, parce que l'homme s'est détourné de lui, l'homme l'a rejeté, l'homme est rebelle. Donc, l'apôtre Paul dit à la fin du chapitre 3, nous croyons que l'être humain est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, par le sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. Donc, il dit, on doit se repentir et croire en Jésus pour être délivré de la colère de Dieu et d'être rendu capable d'adorer Dieu et de servir Dieu. Ensuite, au chapitre 4, il a dit, c'est comme Abraham. Abraham a été justifié par la foi. Il a été justifié par la foi avant les œuvres de la loi, avant la circoncision, afin qu'il devienne le père de la foi des Juifs et des Grecs. Abraham va devenir l'exemple que la justice s'obtient par la foi, autant pour les Juifs que pour les Grecs. Donc, il n'y a pas deux moyens d'être sauvé, un pour les Juifs ou un pour les Grecs. Et ensuite, il dit, au chapitre 5, que le péché est entré dans le monde par un seul homme, par Adam, et que ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Qu'ils soient juifs ou qu'ils soient grecs, la mort s'est étendue à tous les hommes en Adam, parce que le péché est entré dans le monde par Adam. Mais la justice, elle peut être acquise en Jésus-Christ, qu'on appelle le second Adam. Jésus-Christ est le moyen par lequel l'être humain peut être justifié. Qu'il soit grec ou qu'il soit juif, il y a un seul moyen d'obtenir la justice, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par une religion, ce n'est pas par l'observation de la loi, mais en croyant en Jésus-Christ. Ensuite, l'apôtre Paul nous dit que celui qui croit va vivre pour Dieu, va servir Dieu, va être un esclave de Dieu, va prendre son corps et va servir et adorer Dieu et louer Dieu. Et ceci est rendu possible parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. C'est la grâce qui rend les croyants capables de servir Dieu. Parce que si on servirait Dieu sous la loi, la loi nous condamnerait, nous rendrait incapables de servir Dieu. Mais parce que nous sommes sous la grâce, nous pouvons utiliser notre vie pour servir Dieu. On a vu au chapitre 7 que nous ne sommes plus sous la loi, nous avons été délivrés de la loi. Puis là, il y a pris l'exemple de la femme qui est mariée à un homme, elle est liée à son mari jusqu'à temps que le mari meure. Quand le mari meurt, elle est dégagée de son engagement, elle est dégagée de la loi et elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Il dit, si elle se marie avec quelqu'un d'autre pendant que son mari est vivant, elle fait un péché, elle va contre la loi, mais si son mari meurt, elle peut se marier avec un autre et elle ne pêche pas. Il prend cet exemple-là pour dire que nous, on n'est plus liés à la loi parce que nous sommes morts à Jésus-Christ, nous sommes morts à la loi. Nous ne sommes plus attachés par la loi. Nous ne sommes plus redevables à la loi. Nous ne sommes plus sous la tutelle de la loi parce que nous sommes morts en Jésus-Christ à la loi. La loi exigeait la mort du pécheur et Christ a subi la mort pour nous et donc nous sommes dégagés de la loi. À la fin du chapitre 7, on a vu ensemble l'apôtre Paul crier et dire « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Parce que Paul nous a fait voir au chapitre 7 que l'être humain est encore, malgré qu'il est chrétien, malgré qu'il s'est converti, malgré que maintenant il est un enfant de Dieu, il pêche encore. Il dit « Le bien que j'aimerais faire, j'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. » Il dit, « Qui me les délivrera de ce corps de mort? » Et là, l'apôtre Paul, chapitre 8, nous fait tourner les regards vers l'avenir. Il dit, « Je ne pourrais pas être délivré de ce corps de mort ici, dans ce monde. Mais je vais être délivré de ce corps de mort par la résurrection. » À la fin des temps. Et c'est pour ça qu'il dit, « Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » C'est comme ça que je vais être délivré de ce corps de mort. Ce n'est pas en faisant une bonne vie chrétienne, ce n'est pas en obéissant, ce n'est pas en priant que je vais me délivrer de ce corps de mort, mais c'est par la résurrection, par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts, donc sa résurrection devient la mienne parce que je me suis associé à lui, je me suis uni à lui, comme on a vu au chapitre 6, je suis venu même plan en sa mort et en sa résurrection. Donc, sa résurrection fait partie de mon salut et je vais être délivré de ce corps de mort par la résurrection comme Jésus-Christ. Et là, on arrive au chapitre 9. Et avant de commencer, pensons-y un peu. Il dit, dans les premiers 3 chapitres, l'être humain ne cherche pas Dieu, ne veut pas Dieu, ne fait pas le bien, il est perverti, il est mort, il est sans Dieu, il ne veut pas s'approcher de Dieu parce qu'il est dans le péché, il ne se soucie pas de connaître Dieu, il ne cherche pas Dieu. Il est sous l'empire du péché. Et là, on lui présente un moyen d'être sauvé qui est la repentance et la foi en Jésus-Christ. On lui présente qu'il doit devenir une même plante avec Christ par la foi pour être capable d'adorer Dieu et de servir Dieu. Mais les 3 premiers chapitres nous ont dit qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit au chapitre 8, « La chair ne veut pas et ne peut pas plaire à Dieu. » Donc, comment un homme qui ne veut pas va-t-il finalement croire en un Dieu en lequel il ne veut pas croire? Comment va-t-il finir par s'approcher de Dieu quand il ne veut pas s'approcher de Dieu? Il y a une espèce de... On se pose la question, mais... Comment est-ce que l'homme qui cherche Dieu va-t-il finir par obéir à cet évangile s'il ne veut pas, s'il ne peut pas? Et c'est là que le chapitre 9 va rentrer en ligne de compte. C'est là que les chapitres 9, 10 et 11 vont nous montrer comment des êtres qui ne veulent pas Dieu, qui haïssent Dieu, qui rejettent Dieu, qui s'éloignent de Dieu, qui sont morts au péché, qui sont privés de la gloire de Dieu, qui ne se soucient pas de connaître Dieu, qui sont idolâtres, vont finalement croire en Dieu et devenir le même plan avec Dieu. Dans ces trois chapitres-là aussi, il va se servir d'Israël pour nous montrer que il faut une intervention divine pour que l'être humain puisse se tourner vers Dieu et croire en Dieu. Dans les trois chapitres qui viennent, le mot Israël ou israélite ou juif revient 15 fois en trois chapitres. Donc, il va mettre une emphase. Il va parler de ses frères dans la foi. Il va parler de ceux qui sont les juifs, ceux qui sont à la base de la foi chrétienne, ceux dont Dieu s'est servi pour emmener l'Évangile, pour produire le Messie, pour proclamer l'Évangile. Il va se servir d'eux autres, de ces hommes-là, de ces femmes-là, de ce peuple-là, pour nous aider à comprendre que l'être humain ne pourra jamais se tourner vers un Dieu qu'il déteste pour être sauvé, à moins que Dieu intervienne, à moins que Dieu fasse quelque chose. C'est ce que nous allons voir à partir de demain. Si vous n'avez pas écouté les vidéos du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, je vous encourage à les écouter avant de tourner et de commencer le chapitre 9. Parce que vous allez avoir de la misère à comprendre les raisons d'être de ce qu'on va voir dans le chapitre 9. Notre bon Père du ciel, aide-nous à bien comprendre ce que nous avons vu jusqu'à date. Qu'on se résume dans notre tête, dans nos cœurs, ce que les grandes vérités des premiers 8 chapitres. Ça va nous aider à comprendre les vérités merveilleuses du chapitre 9, 10 et 11. Que ton esprit, Seigneur, nous anime pendant les mois qui s'en viennent. Parce que tu vas nous révéler ce que la Bible appelle des mystères. Pas des choses qui sont incompréhensibles, mais des choses qui avaient été cachées pendant longtemps, mais qui ont été révélées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen.